Yaman et Guanzo. Parce que ça fait peur, Yaman. Et j'ai connu des gars, Yaman, qui sont tombés là-dedans, Yaman. Aujourd'hui, je sais même pas où ils sont, je sais même pas ce qui se passe. Yaman. Yeah, ça les arrange bien comme ça, si. Yes. Ça les arrange bien comme ça. L'État n'en a rien à foutre, ils disent qu'ils combattent ça, ils combattent rien du tout parce que ça rapporte trop de pognon, man. Mais ouais, ouais. Pognon, ça rapporte, man. Ils en parleraient plus souvent, ils viendraient les aider dans la rue, si. Yaman. Oui, man. Mec, them no. Alors. Tcha. C'est tout à fait compréhensible, man. En plus, les gens, ils cherchent pas la paix de nos jours, man. C'est clair, la paix, c'est une chose qui l'homme n'arrive pas à définir. Cherche la paix. Il la cherche avec la drogue, il la cherche avec la guerre. La paix. Dans la guerre. Dans la guerre. La puissance, la puissance. Il fait la guerre pour avoir la paix après. Pourquoi il peut pas avoir la paix avant d'avoir fait la guerre même, avant de toucher à ses drogues même. Dis-leur. Oui. Ah oui. C'est aussi une drogue, c'est clair. Pas de